D'après News 6 de la Corée du Sud, les bellicistes sud-coréens ont livré le 28 courant les exercices de tir naval de grande envergure dans les îles de la mer de l'ouest de Corée, situées dans la zone du point le plus chaud. Les canons, missiles et hélicoptères d'attaque de la 6e brigade de la marine sud-coréenne et d'autres troupes disposées dans les îles de Paengnyong et de Yeonpyeong y ont été mobilisés. Ils ont tiré plus de 105 000 obus et missiles, sous prétexte de s'adapter aux procédures réelles pour faire face à la provocation des feux et à l'attaque par surprise du Nord et à la collision militaire dans la mer de l'Ouest.